voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Alexis Robert incarne parfaitement la sobriété heureuse. Auteur de plusieurs essais pour présenter son mode de vie qu'il base sur les valeurs de la simplicité volontaire, Alexis accueille tout au long de l'année de nombreuses personnes désirant découvrir et partager son quotidien. Rencontre avec Alexis. Qui est Alexis ? Alors, c'est un ancien ouvrier agricole. J'ai commencé vers 9-10 ans à travailler dans les fermes, jusqu'à 15 ans. Ensuite, comme les tracteurs arrivaient tout ça dans les fermes, on n'avait plus besoin d'ouvriers agricoles, donc je suis allé travailler en ville, hein, comme manœuvre, etc. Et après, moi c'était dans les années 40, fin des années 40 et début des années 50. Donc c'était encore l'agriculture traditionnelle qui a été bousculée par l'arrivée des machines, quoi, qui venaient des États-Unis principalement. Sinon on faisait du traditionnel, on n'utilisait pas toutes les saloperies qu'on utilise actuellement. Il y avait un petit peu d'engrais, de nitrate, un petit peu d'azote, mais autrement c'était pratiquement bio. Hein. Oui. Mais le terme n'existait pas. Le terme n'existait pas du tout, non. Non, mais on travaillait encore, donc on travaillait avec les chevaux, avec le rythme de la terre, donc on travaillait très tôt le matin, jusqu'au coucher du soleil. Donc en fait, tu as vu l'arrivée des machines, l'arrivée de la chimie, la modification au niveau agricole ici, oui. Tu as vécu ça? J'ai vécu ça, oui. J'ai vécu dedans. Oui. Intérieurement, c'était dur, hein, parce que toujours quand tu as à peine 10 ans, tu travailles déjà dans les fermes toute la journée, c'est très dur. On te demande de faire le travail d'un homme en plus. Donc c'était très très dur, mais en même temps j'ai toujours aimé la terre, j'ai toujours communiqué avec la terre, avec les animaux, avec les oiseaux, donc c'était dans mon élément quand même. Hein. Dès que j'ai pu, j'y suis retourné. Je regrette pas l'ancien temps comme certains disent. Mais donc enfant, tu ne t'es pas posé la question de ce que tu voulais faire, tu t'es retrouvé dans le milieu agricole, mais quand tu étais en âge de faire des choix par toi-même, tu as choisi d'y rester. Je n'ai pas vraiment choisi, c'est que je n'avais pas le choix. Moi j'étais extrêmement pauvre, on n'avait pas d'argent, j'étais élevé par une grand-mère paralysée et une tante... on était ensemble, mais sans argent, quoi. On vivotait avec quelques poules, quelques lapins, une chèvre et un bout de jardin. Voilà, c'est comme ça qu'on vivait. Et puis, moi j'allais dans les fermes pour être nourri, hein. J'étais pas payé. Ouais. Mais dès que j'ai pu, dès à 8-9 ans, je commençais déjà à réfléchir. Et je me disais, ça ne peut pas durer, ça, c'est notre situation comme dans la misère, comme ça. Et bien que je n'étais pas malheureux, hein, mais je voyais bien la différence comme avec d'autres. Et donc je me suis dit, il faut que dans ma vie, je m'active pour que ça change. Voilà. Donc j'avais déjà des rêves à 8-9 ans que j'essayais de réaliser ensuite. À 15 ans et demi, je suis tombé très malade. Le médecin a dit, il ne faut pas qu'il retourne travailler dans les fermes ni en ville parce qu'il n'a pas la force physique. Donc j'ai écrit au député du coin, je lui ai dit, voilà ma situation, est-ce que moi je veux bien retourner à l'école si on me donne les moyens, quoi. Alors il m'a obtenu une bourse et donc j'ai pu retourner à 15 ans et demi en 6e. J'ai fait la 6e, la 5e, la 4e, la 3e en un an et demi, quoi, à toute vitesse. Puis un petit examen, puis j'ai appris à taper la machine aussi, j'ai appris aussi un peu de comptabilité. Et puis à 17 ans, donc j'avais 17 ans, le directeur d'école m'a dit, je te garde comme instituteur. Donc à 17 ans, j'avais juste mon brevet et je suis resté, je m'occupais des enfants, donc j'avais une classe, et j'étais remplaçant, c'est-à-dire que je bouchais tous les trous qu'il y avait dans l'école, de la maternelle, presque de la maternelle jusqu'en quatrième. À 17 ans, tu t'es retrouvé professeur, quoi. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et ça me plaisait bien. Et après ? Et après, j'ai fait la guerre d'Algérie, que j'étais dans ces contingents-là. Donc j'avais le choix, soit d'aller en Algérie, soit d'aller en prison comme objecteur de conscience. J'ai réfléchi, mais je préférais aller en Algérie parce que je me dis, il y a tous les copains qui n'ont pas le choix. Et je préfère être là-bas pour essayer de calmer le jeu plutôt que d'être enfermé dans une prison. Donc je suis allé 16 mois là-bas et donc je ne regrette pas d'avoir été du tout parce que d'une part j'ai pu dénoncer les tortures dont j'ai été témoin là-bas, dans des journaux en France. J'ai pu aussi calmer les copains, tout ça, leur disant, écoute, ici, on n'est pas pour tuer des gens, nous, on n'a pas envie d'être tués non plus, donc essayons de vivre de façon à ce que, enfin, faire la paix le plus possible avec ceux qui sont en face. Et puis, d'accord, ben, j'étais condamné par un tribunal militaire, bien sûr, pour avoir dénoncé les tortures, mais oh, ça a été quoi. Ils m'ont envoyé l'endroit le plus désagréable, le plus pour eux, qui était le plus dangereux, donc ils espéraient que j'y reste. tu as dénoncé, non, en fait c'est marrant, il y avait déjà donc un côté revendicateur, militant à l'époque. Tout à fait, oui. Enfin, tout jeune, puis je dis à 8-9 ans déjà, je voulais changer le monde, quoi. Enfin, changer au moins mon milieu, quoi, milieu ouvrier, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est militant? Qu'est-ce qui fait qu'on n'accepte pas les règles ou qu'on voit peut-être différemment une certaine forme de réalité et qu'on s'insurge par rapport à des faits? Donc là, tu parlais de la torture. Peut-être que la majorité vont fermer les yeux là-dessus. Ben c'est ça, oui. Mais toi, non, t'as pas pu. Donc qu'est-ce qui va faire qu'intérieurement, on devient militant ou on peut pas se taire? Il y a des témoignages. Je pense que ça devient pas... Enfin, ça dépend des personnes, peut-être. Hein. Mais moi, je pense que j'ai eu des bonnes influences. D'abord, j'ai été élevé par une grand-mère paralysée, mais qu'on était extrêmement pauvre, mais qui s'il venait quelqu'un qu'on voyait encore plus pauvre qu'elle, tout de suite est partagé. Je me souviens un jour, il est arrivé une bohémienne, donc avec 6-7 gosses, qui a demandé à manger. Et nous, on n'avait pas grand-chose, mais on avait une caisse de pommes de terre. Elle m'a dit, va chercher la caisse de pommes de terre, parce qu'elle était handicapée, elle était impotente, elle ne pouvait pas bouger. J'étais chercher la pomme de terre, elle l'a divisée en deux, puis je lui ai dit... Alors, on part, la moitié pour elle, la moitié pour nous. Le mot pauvreté, qu'est-ce que tu entends derrière ça? Qu'est-ce que c'est être pauvre? Ben, j'aime bien la pauvreté, j'aime pas la misère. La pauvreté, c'est vivre, tout simplement. C'est la simplicité volontaire. Et alors que la misère, c'est vraiment... C'est d'avoir, d'être dans le manque dans plein de domaines, quoi. Et puis d'être méprisé, d'être pas reconnu comme être humain, etc. Donc il y a peut-être le côté choisi ou le côté subi? Oui, moi j'ai toujours essayé d'être dans le côté choisi. Ouais. Oui, très vite, je me suis dit, je construis ma vie. Je suis un être souverain. C'est vrai que la pauvreté, donc on ne va pas parler de la misère, mais vraiment la pauvreté, on peut bien le vivre ou mal le vivre. On peut très bien le vivre. C'est, pour moi, j'ai même écrit des poèmes sur la pauvreté, la chance d'être pauvre, même un texte, là, je fais bondir des gens. Je pense que c'est une chance si on l'accepte et si on la choisit, parce qu'on se libère de plein de choses. Il y a la plupart des personnes ont besoin d'un tas de choses pour vivre, plein de gadgets électroniques, etc. À plein de confort, plein de ceci, plein de cela, qui les encombre, dans lesquels ils passent beaucoup de temps, parce que pour les gagner, pour les entretenir, pour s'en servir, etc. Alors que moi, n'ayant pas tout ça, ben j'ai plein de temps libre, je peux accueillir les gens qui arrivent sans me soucier, ils arrivent à l'improviste, bon, ben tu viens, on bavarde. Alors que si j'avais la télé, si j'avais Internet, si j'avais tout ça, j'aurais pas le temps. Et ça, tu l'as compris pour l'avoir vécu, tu as eu tout ça, tu as eu la télé, tu as eu... J'ai eu la télé, j'ai même eu un ordinateur à un moment donné, pas longtemps, 3 ou 4 mois, puis j'étais toujours en panne, je dis, tu veux pas de moi, je veux pas de toi non plus, bien dégagé. J'ai même pas de frigo, j'ai pas de choses comme ça. J'ai eu un frigo aussi, mais les dernières années, il me servait il me servait pour mettre le papier, ma réserve de papier hygiénique, tu vois. Ah, aujourd'hui, ça suffit, j'ai pu mettre mon papier hygiénique ailleurs, donc tu vas aller à Emmaüs, voilà. On parlera après un petit peu de ton mode de vie, de ce que tu as, de ce que tu n'as pas, mais je vais revenir à cette philosophie. Donc toi, tu parlais de simplicité volontaire, on parle aussi de sobriété heureuse, certains parlent de décroissance. Oui. Quel est le terme qui te convient et qu'est-ce que tu y mets derrière? Moi, j'aime bien le terme simplicité, hein. Mais j'aime bien sobriété heureuse aussi. Hein. Ça fait peut-être un peu plus austère, sobriété, pour certaines personnes. Puis la décroissance, oui, ben, je suis tout à fait pour la décroissance. Je pense que ça va ensemble. La simplicité, ça touche d'avoir l'individu, la personne. Alors que quand on parle de décroissance, on s'adresse plutôt à la collectivité, quoi. Mais je suis pour les deux. J'ai distribué à fond la décroissance au début qu'elle existait. J'en distribue jusqu'à 300 dans certains mois. Et c'est quoi la simplicité volontaire? Alors comment est-ce que tu le définis? Quelle est ta définition à toi de cette simplicité? La définition de la simplicité volontaire, c'est l'art, parce que je pense que c'est un art, l'art de ne consommer que la part qui me revient sur cette terre. C'est beau ça, l'art de consommer la partie qui nous revient sur cette terre. Et alors comment est-ce que tu définis cette part qui te revient? Gandhi a dit que la terre est assez riche pour nourrir tout le monde, hein, pour assurer les besoins essentiels de tout le monde, mais qu'elle est absolument incapable de satisfaire tous les envies. Je partais de là. Et puis, je me suis servi aussi de l'empreinte écologique. Oui. Donc, je m'en sers quand je fais des animations. Je souvent fais remplir aux gens, je fais remplir aux gens cette empreinte écologique là pour qu'ils aient une idée de où ils en sont, quoi. Et donc, cette empreinte écologique, comment tu la calcules ? L'empreinte écologique, ben, tu sais, il y a un test qui a été relancé par Passerelle Éco. C'est un texte, donc tu estimes, toi, qu'est-ce que tu consommes en chauffage, en papier, en alimentation, etc., comment tu t'alimentes, etc. Et selon, ça correspond à un nombre de points. Et donc, les points correspondent à des surfaces. Surfaces, donc, tu vas consommer 500 mètres carrés pour te nourrir, par exemple, comme ça. Et donc, tu fais le calcul de tout ça et tu arrives à une certaine surface. Étant donné qu'on a estimé que la surface moyenne pour que tout le monde ait sa part, c'est 2 hectares 2. Il y a de ça une quinzaine d'années maintenant, je crois qu'il faudrait ramener à 1,8, je pense. Et donc, selon toi, ce que tu trouves, tu vois si tu es en dessous, en dessus ou à peu près égal, quoi. Et toi, Alexis, alors quelle est ta part ? Quelle est la surface que tu occupes ? Je suis à 1,8 à peu près, normal. Je consomme toute ma part. Alors, tu consommes quoi ? Parle-moi d'une journée type. Qu'est-ce que tu vas consommer ? Comment tu t'organises autour de ta démarche de consommation ? Je pense que pour vivre la simplicité volontaire, il faut savoir s'organiser. Je pense, par exemple, les transports. Moi, je me limite à 400 km par mois, alors que je suis très éloigné ici de tout lieu, quoi, de tout ma commerce, etc. Mais je regroupe toutes mes activités que je dois faire donc à l'extérieur, à Rennes ou à Puermel, pas loin. Donc, au lieu d'y aller 5-6 fois dans la mois parce que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, donc je regroupe tout et j'y vais une fois. Donc, je ne fais qu'un voyage au lieu d'en faire 5 ou 6. Et ce qui me permet de ne pas dépasser 400, à peu près 5000 km par an, donc 400 km par mois. C'est une affaire d'organisation. Voilà. Quand tu dis je regroupe mes déplacements pour aller faire mes trucs, c'est quoi les trucs que tu vas faire à l'extérieur ? Il faut que j'ai une petite épicerie, donc il faut que j'alimente, il faut que j'aille chez le grossiste une fois par mois. Je fais de l'accompagnement. Donc, j'accompagne des personnes, soit qui ont des projets, soit qui ont des problèmes psychologiques. J'en ai un certain nombre qui viennent chez moi, mais d'autres qui ne sont pas en mesure de venir chez moi, donc par exemple à Rennes, donc je vais les voir. J'en profite que je suis à Rennes, donc quand je suis à Rennes, j'y passe au moins la journée, quand c'est pas parfois une journée et demie, quoi. Donc on a parlé du transport, parle-moi de l'alimentation. Dans l'alimentation, je suis d'abord végétarien, par choix, par amour des bêtes. Moi j'aime beaucoup les bêtes depuis mon enfance, depuis tout petit, et donc j'aime pas manger ce que j'aime. Tout simplement, c'est ma première raison, quoi. Et puis, bon, ben, au niveau simplicité volontaire, ben, ça évite, pas besoin de frigo, qu'on n'a pas de viande, pas de produits laitiers. Il n'y a donc pas besoin de frigo. Il y a aussi que ça coûte moins cher, hein, les légumes et les fruits, les céréales, c'est beaucoup moins cher que la viande ou le fromage. Il y a donc ça aussi. On peut se faire plein de choses soi-même. Dans la nature, il y a plein de choses qu'on peut manger. J'apprends aux gens à découvrir dans la nature ce qu'ils peuvent cueillir, même s'ils n'ont pas de sous, ils peuvent encore manger. De faire de la permaculture depuis. Je le faisais avant sans le savoir, mais je continue maintenant que je le sais. Oui, ben, c'était une fête de pratique parce qu'on n'a pas besoin de labourer la terre, de bêcher, tout ça. Donc on cultive sur le sol. Avec tout, et puis on utilise tous les déchets qu'on a, tous les déchets possibles biodégradables pour enrichir la terre. Et on plante là-dedans, quoi. Mais c'était déjà une méthode qui était utilisée par les curés. On parlait de jardin de curés dans le temps. Mais il y a 50-60 ans, les curés faisaient comme ça. Parce qu'ils n'aimaient pas se baisser. Donc ils montaient le jardin sur 50-60 cm de haut, quoi. Quel est l'apport extérieur ? Qu'est-ce que tu vas rechercher que tu ne peux pas produire ? Ben, je produis une part de mes légumes parce que j'ai aussi toujours une moyenne de 6-7 personnes à table tous les jours. Je produis un petit peu, mais j'ai été maraîcher dans le temps aussi. J'ai une ferme où je faisais du maraîchage. Donc, je suis en contact avec plein de maraîchers en bio. Et donc, j'ai ce que je veux. Hein. Bon, on fait du troc ou ils mettent ça à un petit prix. Hein. C'est lui qui fixe les prix. Moi, je ne marchande pas, mais ils ont envie de me faire des prix, quoi. Je peux dire que je consomme j'ai fait quand même des calculs parce que je voulais quand même pour l'expliquer aux gens, il fallait bien que je fasse très attention à ce que je fais. Et donc je dépense en moyenne 300 euros par mois. Voilà. En étant à l'aise, sans manquer de rien, en me sentant bien, en vivant heureux tout simplement. Voilà. Alors explique-moi ces 300 euros, les différents postes de dépenses. Donc tu auras l'essence, tu auras l'alimentation. Alors il y a une alimentation à peu près 80 euros par mois. 120 euros pour la voiture. Pour la voiture, c'est ce qui coûte le plus cher. Autre, après la voiture, ben, il y a les, j'ai pratiquement pas de voiture à part le téléphone fixe. Donc j'ai 30 euros de téléphone fixe à peu près par mois. J'ai l'assurance, pour la voiture, j'ai 120, j'ai tout rassemblé dans les 120. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il reste des petits frais, des impôts, j'en paye un peu d'impôts locaux. Je paye des... les habits, ça me coûte très peu cher, je vais à la Croix-Rouge, j'ai tout ce que je veux. Qu'est-ce que je dépense encore? Quelques livres quand même, parce que j'aime beaucoup lire. J'ai de l'argent pour offrir des cadeaux. C'est tout le côté solidaire, hein. Tu parraines des enfants, tu es inscrit à l'association, il y a aussi un budget militant finalement. C'est ça, alors j'ai 920 euros de retraite par mois. Et comme j'en consomme que 300, il faut bien que je me débarrasse du reste. Je dis ça avec des voix un peu provoquantes, mais j'ai aussi de rigoler aussi. Donc j'ai les 600 et quelques qui me restent, vont à parrainer 19 enfants dans 13 pays, et à soutenir une trentaine d'associations. Et encore, je m'arrive encore d'aider des jeunes qui débutent un projet. Si je peux leur offrir 500 euros ou 1000 euros, ben je le fais volontiers, quoi. Ça, c'est un très bel exemple que tu apportes là par ce témoignage. Bon, c'est fait pour ça. Hein. On est là sur Terre pour... Moi, je dis, il faut que... j'ai mis des petits mots dans ma maison. Fais en sorte que toute personne qui te rencontre s'en va plus heureuse, quoi. C'est important. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Allons, enfants de l'harmonie, le jour de rêve est arrivé. Avec nous la belle utopie d'impossibles et nouveaux paradis où l'on chante et l'on danse la vie. Éveillons-nous, bougeons nos consciences unies une fois dans l'espérance d'un monde où l'humanité pourrait vivre en paix. Aux arbres moussaillons, plantons et récoltons, aimons, rions et partageons le fruit de nos moissons. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Et dans ta vie d'actif, qu'est-ce que tu faisais pour générer l'argent dont tu avais besoin? Oui, alors j'ai fait pas mal de choses. Là, c'est les circonstances de la vie, c'est pas toujours des choix. Après avoir été revenu de l'armée, là, de l'Algérie, donc je suis retourné à travailler en usine chez Simca à Paris. C'était Simca, ça a été racheté par Citroën ensuite, à Poissy-Bourgard. Et j'étais là un certain temps, et puis je suis encore tombé malade, et on m'a dit faudrait que tu quittes la région parisienne, donc je suis revenu en Bretagne. Et là j'ai travaillé à Fougères comme manœuvre, dans un bâtiment, dans une usine de chaussures, dans une casserie d'œufs. J'ai connu peut-être l'une des dernières usines où on menait encore les ouvriers au fouet. Et à quel moment tu as choisi de quitter le monde salariat? Je me suis retrouvé, j'en avais marre des usines, donc je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que je suis allé à l'agence d'emploi, on m'a dit, il y a Citroën, j'en veux pas. Et donc il m'a dit, on embauche chez les fous. Donc je suis allé chez les fous, donc à l'hôpital psychiatrique, c'était encore une asile à ce moment-là. Et donc j'ai été pris tout de suite, ils avaient besoin. Et là je suis devenu infirmier au bout de 3 ans, donc j'ai passé mon examen d'infirmier, enfin ma formation sur le tas. Et au bout de 3 ans, donc j'ai devenu infirmier. Je suis retourné à Paris pour me perfectionner en psychiatrie. J'ai travaillé avec des pionniers de la psychiatrie comme Pommel, etc. Et puis je suis revenu ensuite en Bretagne pour lancer des établissements en autogestion. Donc j'ai pratiqué l'autogestion. À cette époque-là, est-ce que tu parles déjà de simplicité volontaire? Est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce que tu étais déjà dans cette envie de vivre simplement? Oui, mais j'ai toujours cherché à vivre simplement, hein, même avec mes enfants et tout. Mais disons que le terme m'a bien plu quand j'ai lu les bouquins de Serge Mongeau, de Québécois. Donc tu dis avec tes enfants aussi, tu avais ce mode de vie très sobre. Oui, j'ai eu 6 enfants. J'ai toujours vécu Simplement, oui. J'avais quand même la télé parce que les enfants me disaient, ben oui, mais on a un devoir à faire, il faut regarder telle émission, etc. Donc ben, je ne voulais pas qu'ils soient privés par rapport aux autres. Donc j'avais quand même la télé, mais moi je n'avais pas le temps de la regarder, mais les enfants s'en servaient un peu. Oui. C'est que j'ai 76 ans et mes enfants, l'aîné, il a 48 ans, 49. Ouais. Non, j'ai... Non, mais c'était du temps où j'avais lancé un magasin coop à Rennes. C'était après avoir été infirmier, éducateur. Enfin, j'étais après infirmier, j'étais éducateur donc en milieu ouvert, dans le centre par exemple, où on accueillait des personnes sortant de prison. C'est là que j'en ai eu marre des salariés parce que je me butais toujours aux administrations. Donc j'ai dit ça suffit comme ça, donc je me suis arrêté, je me suis retrouvé un peu au chômage. Après je ne trouvais pas de boulot parce que j'avais tout mon passé syndical qui me suivait, donc ils ne voulaient pas m'employer. Donc c'est là que j'ai décidé d'ouvrir un petit magasin bio pour le jardin et pour l'alimentation. Mais là le bio existait déjà en 1970 ? Oui, ça commençait, oui, il y avait déjà les Nature et Progrès, il y avait les paysans biologistes. Si, ça commençait déjà depuis quelques années. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu ailles directement vers le bio? Pourquoi est-ce que tu as... C'est les pionniers à cette époque-là, quoi. Oui, il y avait déjà un noyau de gens qui étaient conscients que la chimie, c'était pas quelque chose de bon pour l'homme, pour la planète. Tout à fait, oui. Oui, j'ai rencontré des petits paysans, c'était des petits, mais qui avaient conscience de ça et qui se battaient pour continuer à cultiver correctement, quoi. Et donc je me suis dit, ça, je voyais les gens qui jardinaient avec n'importe quelle saloperie, je me disais, ça c'est important de faire réfléchir les gens. Donc c'est comme ça, j'ai créé un petit magasin dans un quartier populaire, comme ça, tout seul, sans rien savoir. Et puis ça a démarré, je faisais une feuille de chou tous les mois que je distribuais dans tout le quartier pour donner des informations sur l'alimentation, sur le jardinage, etc. Des trucs que je tapais moi-même, j'avais une Renéo. Et puis j'ai fait ça, et puis très vite j'ai eu du monde, j'étais tout seul au départ, au bout d'un an on était 3 à travailler, au bout de 2 ans on était 7. Oui, puis on commençait à aller sur tous les marchés du coin, etc. En t'écoutant, c'est génial, parce que j'ai l'impression que tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Et souvent, on associe aujourd'hui la réussite à la réussite économique, à l'argent. Oui. Et en fait, on pourrait dire que tu n'as pas réussi, puisque tu as 300 euros par mois. Oui. Mais tu n'as jamais cherché à vouloir plus. Ben, non seulement j'ai pas cherché, mais j'ai refusé. Je préfère travailler à la base, auprès des gens, ne pas avoir trop de gros soucis d'argent, etc. Non, ça, c'est pas mon truc. Et tu as choisi la vie que tu mènes aujourd'hui. Oui, je regrette pas. Ouais. Je regrette pas, je suis très content d'avoir gardé cette liberté, ce sens de l'humain, d'être proche des humains, et non pas d'être perdu dans l'argent, et dans les soucis de l'argent. Si les sous, les soucis, hein, on dit. Hein. Donc, les sous, les soucis. Oui, c'est ça. Quand on n'en a pas assez, bien sûr, c'est un souci, mais quand on en a trop, c'est des soucis aussi. Tes besoins sont croissants ou décroissants? Mes besoins sont décroissants, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Mais j'aimais bien de temps en temps, par exemple, aller, je sais pas, au cinéma encore, ou... voir du théâtre ou je sais pas moi une conférence, etc. Je dis pas que j'y vais jamais, mais de moins en moins, parce que j'ai fait un peu le tour, j'ai l'impression de certaines choses, donc j'ai pour moi le besoin d'y aller, mais je reste ouvert quand même. Puis si les gens y vont, je dis tu me raconteras. Alors tout ce qui se fait ici au niveau animation, c'est en participation libre, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. Et les animateurs, les animatrices qui viennent ici pour animer quelque chose acceptent aussi la participation libre, ils n'imposent pas de tarif. Donc c'est la condition que tu imposes pour les événements qui sont organisés chez toi, c'est-à-dire prix libre. Oui, prix libre, c'est ça. Je dis bien participation libre, je ne dis pas participation gratuite, je demande, mais tout le monde ne le respecte pas, mais je demande qu'à chacun de faire un effort pour participer, soit en argent, soit en participant ne serait-ce que 2 heures à faire un petit quelque chose sur le terrain ou quelque chose comme ça. Ou alors ils échangent quelque chose qu'ils ont avec les animateurs, etc. Alors ce qui est intéressant, quand on rentre chez toi, il y a aussi tout un centre d'information. Oui, parce que j'ai tous mes parrainages, tout ça, tout ce que je reçois d'une vingtaine de pays à peu près, avec qui je suis en correspondance. Et donc j'aime bien diffuser tout ça, faire connaître. Et ben, il y a toutes les revues donc, que je diffuse, toutes les revues alternatives, comme Kizan, Silence, Passerelle Écho, L'Âge de Fer, De Main en Main... Et puis des livres aussi qui m'ont peut-être aidé ou qui je sais qu'ils ont aidé d'autres personnes, comme Pèlerin de Paix par exemple. Et bien, tout ça, j'aime bien le diffuser au maximum. Quoi. Modèle économique, agenda sur la journée, les petits trucs pour réduire les dépenses inutiles. Est-ce que tu as des trucs pour essayer de décroître, des trucs pour essayer de dépenser moins d'argent? Oui, bien sûr. D'abord, réfléchir. Quand on a envie de quelque chose, être, pour être sûr que ce soit, que c'est vraiment une envie qui se tient debout, il faut attendre 3 jours avant d'acheter. Voilà, c'est déjà bon. Et la plupart du temps, 3 fois sur 4, eh ben, l'envie il s'est dissipée, ou il a beaucoup moins d'intérêt, ou c'est un autre envie qui est arrivé. Voilà. Donc c'est un bon moyen de freiner ses dépenses, hein, de prendre son temps avant de se lancer dans un truc. Essayer de voir les inconvénients du truc. Parce que quand on, ben, tout, en toute chose, il y a le pour et le contre. Hein. Même quelque chose qui nous plaît énormément, qui nous emballe, etc. Et ben, si on prend le temps de réfléchir, si on prend seulement ces 3 jours-là, eh bien, on s'apercevra, oui, mais attention, oui, j'achète ça, mais il faudra peut-être l'entretenir après. Puis il me faudra du temps pour l'utiliser. Il faudra que j'y consacre du temps, il faudra que j'y consacre de l'argent. Ça fait partie de la réflexion. Donc vraiment, oui, poser le pour et le contre et réfléchir. Aux impacts. Rien de parfait. Hein. Ouais. Rien de parfait. Une question que j'aime bien aussi, ou plutôt pas vraiment une question, mais le temps, le rapport au temps. Quel est ton rapport au temps ? Mon rapport au temps. J'ai le temps. Dans ce monde où on dit qu'on n'a pas le temps, il faut toujours aller vite, se stresser, parce que dans 1 heure c'est ceci, dans 2 heures c'est cela, dans 3 heures c'est cela. Moi je dis j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai tout le temps que je prends. Je suis là dans la journée, j'ai prévu de faire des choses, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il y a tel ou tel événement, il y a un voisin qui me demande quelque chose, bien, d'accord, je suis disponible, j'ai le temps. Voilà. Je pense que de vivre comme ça, c'est beaucoup plus décontractant, on laisse tomber, on lâche prise. Moi, dès le matin au réveil, je fais un exercice de lâche prise, tous les jours. Alexis, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Le bonheur, c'est tout simple. C'est de la simplicité volontaire et puis du cœur. La simplicité volontaire du cœur dans la liberté. Je crois que pour moi, le bonheur, c'est la liberté. C'est de vraiment ne pas sentir piégé par plein de choses, de faire selon sa conscience, selon ce qui nous tient à cœur. Par exemple, tout ce que j'ai fait ici, c'est sur un terrain agricole. Donc, normalement, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas d'autorisation. Si je la demande, on me dira non. Donc, ma conscience me dit de faire. Je sais que ça va pas faire de mal à d'autres. Et moi, ça va faire du bien, et ça va faire du bien à ceux qui viennent ici. Donc je le fais, puis c'est tout. Non, je ne suis pas croyant. Par contre, je suis espérant. Je suis espérant, donc je suis optimiste. Enfin, j'ai un certain optimisme. J'espère, malgré tout ce que je vois, que j'entends, que j'ai quand même foi dans l'humanité. Je pense qu'on chemine difficilement, mais qu'on chemine quand même vers un peu plus d'humanité, justement. Donc je suis espérant. Bon, j'espère aussi, moi j'ai pas la foi, donc je ne crois pas en un Dieu, en un ciel, en tout ce qu'on veut. Les gourous ne m'inspirent pas du tout. Je suis très indépendant, très autonome. Je dis parfois, je suis trop anarchiste pour être dans un groupe anarchiste. Mais par contre, j'espère dans les personnes qui viennent me voir, qui sont parfois dans un mauvais état. J'espère aussi que la vie s'arrête pas à notre vie physique sur Terre. Mais je ne sais pas, après, j'en sais rien ce qu'il y a. Moi, j'ai aucune certitude, mais une espérance. La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les 2 mois.